Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107 pour l'émission La Parole est à vous, consacrée au magazine Environnement, avec le concours, bien entendu, de Vosges Nature Environnement, qui est notre partenaire donc pour ce magazine Environnement. Voilà, alors j'ai retenu un éditorial d'abord de Dov Alphon dans Libération, qui intitule son édito « Chimère ». La somnolence qu'inspiraient jusqu'à maintenant les débats de la COP26 a été sérieusement ébranlée jeudi avec la publication d'une étude démontrant que les émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre, devaient rebondir de 4,9% cette année, introduisant une urgence que beaucoup auraient voulu atténuer. L'idée séduisante selon laquelle les entreprises les plus polluantes de la Terre allaient volontairement sauver l'humanité du désastre qu'elles ont aidé à créer apparaît maintenant comme une chimère. Oui, on peut très bien les encourager à planter des arbres, pourquoi pas. Mais cela ne suffira pas. Même les plus ardents soutiens du charbon commencent à en convenir. Pour pouvoir atteindre la neutralité carbone et donc la fin du réchauffement climatique, ce sont les États qui vont devoir réguler les émissions de leur entreprise sur leur territoire comme à l'étranger. Un accord peut sembler compliqué à atteindre, mais il est tout à fait possible, comme l'a déjà prouvé la ratification de traités internationaux qui semblaient utopiques de la première convention de Genève, 1949, à l'accord de Paris sur le climat, 2015, en passant par la première convention de Vienne, 1961, et le protocole de Montréal, 1987. Il est nécessaire de s'y engager. Réguler la compensation accordée à des pays et entreprises selon un barème qui tient aujourd'hui plus de la fantaisie que de la science, maintenir le cap sur la fin du charbon, accélérer le passage du pétrole aux énergies moins polluantes, investir dans les technologies pouvant absorber le trop-plein de carbone qui restera dans l'air des années après que le cap de la neutralité carbone sera atteint. Les engagements des pays riches pour assurer ces transitions dans les pays pauvres sont un bon début, mais encore loin de suffire, car il n'y a pas de solution assurée aux problèmes gigantesques que nous avons nous-mêmes créés. Il nous faut donc les essayer toutes et à toute vitesse. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la neutralité carbone, mais pour l'atteindre, c'est autre chose. Chaque chercheur association donc met en garde contre le détournement du concept central examiné à la COP26. Les projets de compensation ont fait long feu et l'attention revient au but initial, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pas un jour sans que de nouveaux pays, collectivités, entreprises ou produits ne promettent de devenir neutres en carbone, y compris ceux n'étant pas réputés pour être les plus vertueux en matière climatique. À un horizon plus ou moins lointain, allant de 2030 à 2070, en général 2050, à la COP26, en cours à Glasgow, l'objectif officiel numéro 1 et d'obtenir la neutralité carbone dans le monde d'ici le milieu du siècle et garder l'objectif de plus 1,5 degré centigrade à notre portée. Mais qui promet la neutralité carbone? C'est l'interrogation d'Aurore Coulot et Coralie Chaube dans Libération du week-end dernier. Beaucoup de pays, dont de très gros producteurs d'énergie fossile, pétrole, gaz ou charbon, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie ou la Chine, ont déclaré viser la neutralité carbone. Fin octobre, le programme des Nations Unies pour l'environnement calculait qu'au total, 49 pays et l'UE se sont engagés à officialiser l'objectif de zéro émission nette, représentant plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre actuelles. Ces données excluent l'Inde, quatrième émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine, les États-Unis et l'UE, qui a annoncé le 1er novembre viser la neutralité en 2070. Les entreprises s'y mettent aussi en masse. D'après une étude britannique, parmi les 2000 plus grandes multinationales, une sur cinq a annoncé viser à terme la neutralité carbone. C'est le cas de nombreux groupes pétroliers, le français Total Energy, le néerlando-britannique Shell, le britannique BP, l'italien Eni ou le saoudien Saudi, Aramco. Et de compagnies aériennes, Air France, EasyJet, Delta, les géants du numérique Google, Apple, Facebook, de la consommation, Amazon, Carrefour, Unilever, Nestlé et de la finance, BNP, Paribas, Société Générale, HSBC, affichent aussi cet objectif. Mais en quoi consiste la neutralité carbone? En quoi faudrait-il trouver la définition exacte? Le concept de neutralité carbone ou de zéro émission nette, pour se résumer en une équation, les émissions mondiales de gaz à effet de serre causées par Homo sapiens, moins la séquestration de gaz à effet de serre dans des réservoirs naturels, végétation, sol, océan ou artificiel, via des technologies comme le captage direct du CO2 dans l'atmosphère, où son captage et stockage dans le sous-sol est égal à zéro. L'accord de Paris signé en 2015 indique en effet que pour limiter la hausse de la température moyenne du globe par rapport à la période pré-industrielle, 1850-1900, bien en deçà de 2 degrés centigrades, et si possible à 1,5, il faut parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques, causées par l'homme, par les sources et les absorptions anthropiques, par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Mais aucune répartition claire entre réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un côté et recours à ces puits de l'autre côté n'a été définie. Pourquoi ce concept est-il contesté? De plus en plus d'ONG, mais aussi d'institutions et d'universitaires, dénoncent le dévoiement de la neutralité carbone. Pour parvenir à cette dernière, il existe un principe fondamental. Les acteurs doivent d'abord éviter, puis réduire les émissions générées par leur propre activité, en diminuant par exemple la consommation énergétique. Et enfin, en dernier recours, compenser leurs émissions résiduelles. Problème, nombreuses sont les entreprises, à l'image de certains pétroliers, à passer directement à la dernière phase. Ça demande moins d'efforts humains et financiers aux entreprises qui continuent à polluer et à détruire tout en se donnant bonne conscience. Pointe Alain Carsanti, économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Pourtant, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, la neutralité carbone, qui doit être atteinte à peu près au milieu du siècle, afin de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré centigrade, suppose avant tout de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre dès maintenant de manière drastique et continue, de l'ordre de 6% à 8% par an, soit 45% d'ici 2030, rappelle Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui pourtant, les émissions ne diminuent pas et continuent même à augmenter, souligne la scientifique. Selon une étude du Global Carbon Project, publiée jeudi, les émissions mondiales de CO2 sont à nouveau proches de leur niveau record d'avant Covid. Alors que le même jour, l'ONU appelait à faire preuve de plus d'ambition face à la tempête qui se prépare. En mai, trois scientifiques de renom, dont l'ancien président du GIEC, Robert Watson, estimait ainsi dans une tribune avoir réalisé sur le tard que la neutralité carbone était un piège dangereux. Une idée géniale en théorie, mais qui en pratique réduit le sentiment d'urgence lié à la nécessité de limiter les émissions immédiatement. Un rapport d'ONG internationale, dont les Amis de la Terre, publié en juin, qualifie la neutralité carbone de grosse arnaque, tandis qu'un autre, paru en février, parle d'écran de fumée, permettant de dissimuler l'inaction. Le programme des Nations Unies pour l'environnement note de son côté que les engagements d'une cinquantaine de pays en faveur de l'objectif de zéro émission nette à long terme comportent d'importantes ambiguïtés et appelle à ce que l'action ne soit pas repoussée après 2030. Alors, dans tout ça, pourquoi la compensation carbone est-elle particulièrement dans le viseur ? Utilisée par les entreprises pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone, cet outil est très décrié. Concrètement, les firmes donnent de l'argent à des porteurs de projets de réduction des émissions de CO2, conservation des forêts ou de séquestration, plantation d'arbres, le plus souvent basé à l'étranger. Air France s'est par exemple engagée depuis 2020 à compenser les émissions de ses vols en France métropolitaine, soit 450 vols et 57 000 clients au quotidien grâce à des projets au Brésil, au Pérou, au Kenya, en Inde ou au Cambodge. L'un d'eux contre la déforestation au Brésil a ainsi pour enjeu 22 millions de tonnes d'équivalent CO2. Avec les énergies renouvelables, la forêt est particulièrement prisée des entreprises. C'est facile de communiquer visuellement, c'est sexy et surtout ça coûte moins cher, argue Alain Carzanti, qui est aussi spécialiste des forêts. Ce mécanisme permet aux entreprises d'obtenir les fameux crédits carbone que l'on peut générer à l'infini. Ils s'achètent et se vendent sur le marché de la compensation carbone volontaire. Ces crédits sont labellisés par des organismes de certification comme Vera, Gold Standard ou Plan Vivo, qui évaluent les quantités de CO2 séquestrées ou évitées par les projets. Un processus de validation qui ne fait pas l'unanimité en raison de la difficulté à effectuer de telles évaluations et projections. Les calculs ne prennent par exemple pas forcément en compte le fait qu'il faut plusieurs dizaines d'années à un arbre pour arriver à maturité et donc pour qu'il soit capable d'absorber efficacement du CO2. Cela dépend aussi du type d'essence et de massif. Les vieilles forêts avec leurs gros arbres et leur sol sont celles qui retiennent le plus de carbone. Au Congo, Total plante seulement des acacias, car ils poussent rapidement, mais ils meurent aussi plus vite, souligne Alain Carzanti. La plupart finiront en bois énergie. Une monoculture, c'est aussi moins de biodiversité et moins de résilience. Impossible donc de garantir la pérennité à 100 ou 200 ans d'un tel projet. La forêt en question peut brûler, elle peut aussi être coupée ou décimée par des parasites comme les scolytes qui prolifèrent avec le changement climatique. Sans oublier le stress thermique et hydrique qui accroît la mortalité des arbres. Autant de CO2 qui sera alors rejeté dans l'atmosphère. Par ailleurs, les peuples autochtones vivent sur des terres souvent très convoitées par les porteurs de projets de compensation carbone. Les spécialistes pointent un risque d'accaparement des terres et de violation de leurs droits. Quant aux puits naturels, ils ne peuvent être forcés à absorber davantage de carbone. Les forêts et océans absorbent déjà 56% des émissions mondiales. Le maximum de ce qu'ils peuvent absorber, avertit la climatologue Françoise Vimeux. Il est probable que le fait d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre perturbe leur fonctionnement de telle sorte que ces puits deviendront moins efficaces. Les technologies de géo-ingénierie, comme le captage du CO2 dans les sous-sols, elles n'existent pas à grande échelle, sont risquées, énergivores et coûtent très cher, pointe le climatologue. Alors, comment mieux encadrer la neutralité carbone ? Dans un avis publié en mars, l'Agence française de transition écologique, l'ADEME, soulignait que la neutralité carbone n'a, je cite, « réellement de sens qu'à l'échelle de la planète ». Selon elle, les acteurs économiques, collectivités et citoyens qui s'engagent pour la neutralité ne sont ni ne peuvent devenir ou se revendiquer neutres en carbone, ce qui n'a pas de sens à leur échelle. En revanche, ils peuvent valoriser leur contribution à cet objectif mondial via leurs actions respectives. Plutôt que de privilégier le financement de projets de compensation chez un tiers, l'agence invite tous ses acteurs non étatiques à investir dans un réel projet de décarbonation sur leur propre périmètre, travailler sur l'éco-conception de ses produits, proposer une nouvelle offre de mobilité sur son territoire, rénover son propre logement. Pour encadrer leur engagement de neutralité carbone, Des entreprises peuvent aussi souscrire à des référents et standards. Par exemple, dans le cas de l'initiative Science Based Target ou du projet Net Zero Initiative. Dans tous les cas, un engagement net zéro qui ne prévoit pas de réduction d'émissions spectaculaires et constantes à court terme, mais qui s'appuie sur des systèmes de compensation, ce n'est que du greenwashing pour faire diversion, insiste Greenpeace, qui appelle, comme d'autres ONG, au rejet des projets de marché de carbone et de mécanismes de compensation carbone dans l'interprétation de l'article 6 de l'accord de Paris, dont les règles sont en cours de négociation à la COP26. Le seul zéro qui vaille est celui des émissions à la source vers lesquelles nous devons tendre au cours des prochaines décennies pour nous donner une chance de contenir le dérèglement climatique. C'est ce que martèle l'ONG. L'ONG, bien sûr, Greenpeace. Sans quoi la neutralité ne restera qu'un mirage. Bien voilà, je crois que s'il est bon quand même de faire le point sur cette neutralité carbone, qu'elle soit l'horizon 2030, 2050 ou 2070. Hein. Jusqu'à présent, les mesures qui sont prises sont assez inefficaces. Constater qu'au contraire, on augmente quasiment de 5% par an les gaz à effet de serre. Donc que dire d'autre que l'urgence est là et que l'on doit repenser, je pense, les moyens de production et d'échange à l'échelon mondial. Hein, c'est vrai, pourquoi faire je sais pas, à des fruits ou à de la viande, la moitié du tour de la Terre pour arriver dans nos assiettes. Voilà, on va s'accorder une pause musicale avant de reprendre ce magazine, donc Environnement. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Nous reprenons l'antenne pour ce magazine Environnement en partenariat avec Vosges Nature Environnement. Alors, on parle, c'est vrai, de la neutralité carbone. J'ai voulu aussi faire une allusion à Lavilliers, hein, concernant donc, cette chanson qui illustre, s'il en était encore besoin, le fait que l'on a abandonné pas mal d'activités industrielles sur notre sol pour les exporter, j'allais dire, à l'extérieur, les délocaliser à l'extérieur. Oui, et puis bien sûr, évidemment, une économie mondialisée brûle effectivement plus d'énergie fossile qu'une économie locale, hein, ne serait-ce que par le problème des transports. On le voit par exemple dans l'automobile, où des pièces d'automobile parcourent l'Europe, pour ne pas dire le monde, quelquefois dans tous les sens, hein, pour finir assemblées, je ne sais pas, en Tchéquie ou ailleurs. Et puis demain peut-être en Chine ou ailleurs. Donc je crois quand même que si l'on veut véritablement arriver à la neutralité carbone, il ne suffit pas seulement d'une volonté politique, il faut aussi une volonté économique de recentraliser les moyens de production et d'échange pour éviter justement ces déplacements de personnes, de pièces, de produits sur la surface de la Terre. Autrement, on ne s'en sortira pas. Sans parler, bien sûr, des énergies alternatives qui sont peu encore développées dans notre pays. Voilà par rapport à la compensation, un petit article concernant la compensation que j'ai découvert aussi dans Libération. Donc, il y avait trois multinationales passées au crible. Technique de captage de CO2, énergivore, projet forestier néfaste pour les populations locales, manque d'infos sur les initiatives financées. Dans un rapport publié début octobre, l'ONG CCFD Terre Solidaire dénonce les dérives des politiques climatiques d'affichage de Total Energy, Nespresso et Air France, des multinationales qui, comme beaucoup, fondent leur politique de neutralité sur la compensation carbone et non sur la réduction réelle de leurs émissions. C'est ce que pointe l'ONG qui dénonce une fausse solution. Mais ça, on le savait déjà, malheureusement, la publicité va souvent toute dans le même sens à faire croire que ces multinationales, que ces compagnies internationales, de dimension internationale, font véritablement des efforts pour limiter leur émission de carbone. Elles font de la compensation et on voit que ces compensations laissent à désirer. Et puis, pour laisser la parole à l'experte des questions internationales, Lola Valadjo, il faut clarifier, dit-elle, les ambiguïtés liées au concept de neutralité carbone et maintenir la pression sur les États. Politiquement, il est impossible de passer outre la question climatique. Lola Valadjo, directrice du programme Climat de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, IDRI, souligne l'importance de la pression exercée sur les gouvernements par la société civile. notamment lors des COP. Plus efficace avant elle qu'un organisme supranational au pouvoir contraignant. Le concept de neutralité carbone est au cœur des négociations climatiques. Les États peuvent-ils vraiment l'atteindre? Et donc, Lola Vallejo de répondre. Cette notion scientifique de neutralité carbone, introduite dans l'accord de Paris de 2015, a réussi à s'imposer comme un horizon politique. La preuve, tous les pays du G20, hormis le Mexique, et surtout des pays émergents ou en développement, ont pris un engagement vers la neutralité carbone. Dans beaucoup de cas, l'objectif reste à clarifier. Parle-t-on de CO2 uniquement ou de tous les gaz à effet de serre? A-t-on recours à des crédits carbone internationaux? Quelle hypothèse en matière de stockage par des puits naturels ou technologiques? Il est essentiel de lever cette ambiguïté pour de nombreux pays. Cependant, je crois qu'il est important de prendre ces engagements au mot, d'accompagner les États qui ont parfois lancé des promesses sans toujours savoir ce qu'il y a derrière, afin que ça devienne une réalité. L'Inde et le Nigeria sont deux exemples majeurs. Ils visent respectivement des objectifs de neutralité à 2070 et 2060. Mais doivent encore préciser comment les atteindre. De son côté, l'Australie n'a pas ajusté ses ambitions de court terme et le Brésil les a abaissées. Pourtant, tous deux sont censés viser la neutralité. Même si ces pays sont de mauvaise foi, ils se sentent obligés de sauter dans le train car politiquement, il est impossible de passer outre la question climatique. Le multilatéralisme des COP et la recherche du consensus suffiront-ils à faire avancer les choses? Un organisme supranational au pouvoir contraignant est-il réaliste? Question toujours à Lola Vallejo, qui répond « Il faut être lucide sur le fait qu'on ne peut pas tordre le bras des États pour les forcer à respecter un accord s'il n'est pas perçu comme légitime et juste. » On l'a vu avec le protocole de Kyoto signé en 1997, censé être juridiquement contraignant, mais en pratique abandonné peu après sa création. La lenteur des COP est encore très frustrante. À quoi servent-elles? Lors de ces grands raouts, des chefs d'État et de gouvernement sont pointés du doigt par les pays les plus vulnérables au changement climatique, comme la première ministre de la Barbade a fait un discours remarqué au premier jour de la COP26. Outre la communauté internationale, ils subissent aussi la pression de la société civile. Et cette répétition de pression et d'échéance peut les encourager à prendre des engagements. Ce qui a changé depuis Kyoto, c'est que la promesse de la transparence sur ce que fait chacun et d'une solidarité internationale permet d'embarquer tout le monde. Cette confiance était sérieusement mise à mal avant Glasgow, avec les inégalités en termes d'accès aux vaccins et de capacité de relance économique pour les pays en développement. Mais ces derniers jours à Glasgow, la coopération internationale est à l'œuvre. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne vont se coordonner pour apporter plus de 8 milliards de dollars pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. L'Indonésie a aussi demandé de l'aide. Quelle autre voie emprunter pour obtenir des résultats concrets? Là encore, interrogation à Lola Vallejo. Il faut développer des stratégies, dit-elle, bas carbone, de long terme pour concilier développement et climat. Décider comment décarboner l'énergie, le transport, l'industrie, le bâtiment et l'agriculture de manière coordonnée. Sans ça, aucune chance de comprendre l'ampleur des défis. Outre le besoin de déployer des technologies existantes, efficacité énergétique, renouvelable, hydrogène vert, dans les 10 à 20 prochaines années, on doit aussi investir dans l'innovation. La question de la maîtrise de la consommation énergétique et des ressources naturelles est aussi prioritaire. La responsabilité climatique incombe d'abord aux États, avant les citoyens et les entreprises. Question, vaste question auquel veut répondre Lola Vallejo. Il y a un défi de gouvernance, dit-elle. important. Le multilatéralisme crée la dynamique politique. Mais c'est au pays de se saisir de ces discussions et de les mettre en œuvre. On a besoin d'une impulsion politique pour réorganiser la façon dont on vit, dont on consomme, pour une empreinte plus faible en matière de ressources et d'énergie. Cependant, ces mêmes États sont souvent pris dans des rapports de force, notamment lors des échéances électorales. La neutralité et la vision de long terme doivent être portées au plus haut niveau des gouvernements, et les ambitions doivent être clarifiées avec différentes parties prenantes, comme les ministères, les entreprises. Il faut que tout le monde s'approprie ses objectifs à différentes échelles locales et régionales. Le test de crédibilité, c'est de parler de la sortie des énergies fossiles. Si la question du charbon est actuellement centrale, la prochaine frontière est celle du pétrole et du gaz. Et cette transition doit se faire dans un souci de justice sociale, car la pérennité de l'action climatique ne pourra s'obtenir qu'avec une adhésion forte des populations. En France, le texte de loi climat issu de la Convention citoyenne a été revu à la baisse. Manque-t-on de courage politique dans la lutte contre le réchauffement climatique? Là encore, la question doit être posée. Un espoir important a germé, dit Lola, avec les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. La loi climat montre qu'il y a une action, même s'il est clair qu'il faut aller plus loin dans certains secteurs, comme les transports, avec la baisse des énergies fossiles, le bâtiment en décarbonant le chauffage et l'agriculture avec la transition des protéines et la baisse des intrants chimiques. Aller plus loin, mais aussi plus vite. On a besoin d'une politique encore plus volontariste, car la France va devoir doubler ses efforts pour garder à portée de main l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà donc, c'est des propos recueillis pour Libération par Aurore Coulot que je cite aujourd'hui. Alors, bien, on va s'accorder une pause musicale avant de poursuivre cette émission magazine environnement consacrée donc à la neutralité, en grande partie à la neutralité carbone. Et puis je vais aborder un autre sujet qui est le Grand Paris Express. Belle promesse et gros doute quant au problème, effectivement, des énergies fossiles. Voilà, à tout à l'heure, après cette pause musicale. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse. Lentement vers ma destinée, mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Péché contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Mourir d'aimer. vainqueur d'une défaite. Renverser toutes les données, mourir d'aimer. Le mien se donne et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir Bien voilà, j'ai promis de parler du Grand Paris Express, belle promesse et gros doute. Enfin, au niveau au moins de ce qui est la neutralité carbone. Un futur métro en rocade autour de Paris vise la neutralité carbone en 2030 et un bilan carbone positif de 15 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050. Du greenwashing, dénoncent ses opposants. C'est le plus grand chantier d'infrastructure en Europe. 200 km de voies, 4 nouvelles lignes de métro, 68 gares, 45 millions de tonnes de déblais pour un coût estimé à au moins 36 milliards d'euros. À l'heure où nous écrivons, dit Libération, 9 tunneliers prénommés Laurence, Aïcha ou Yenaba sont en train de forer les entrailles de l'Île-de-France, rejetant des milliers de tonnes de terre qu'une noria de camions est chargée d'évacuer. C'est dire à quel point l'évaluation de l'impact environnemental du Grand Paris Express représente un enjeu majeur. Le métro automatique, la mise en service, s'échelonnera entre 2024, année où Paris accueillera les Jeux Olympiques, et 2030. C'est un projet majeur de la lutte contre le dérèglement climatique qui permettra de réduire de manière significative le niveau des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est ce que claironne d'ailleurs la Société du Grand Paris, qui pilote le chantier. En fin octobre, Jean-François Monteil, la présidente de cet établissement public créé par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, a profité d'une visite de chantier pour présenter sa stratégie environnementale. Elle se veut exemplaire, le super métro faisant figure de gigantesque démonstrateur au niveau mondial du savoir-faire français en matière de BTP. La neutralité carbone devait être atteinte en 2030 ou 2035, à l'horizon 2050, soit 20 ans après sa mise en service complète. Le nouveau métro aura non seulement remboursé sa dette carbone, mais il présentera un bilan positif de 14,2 millions de tonnes équivalent CO2, soit la différence entre les émissions de gaz à effet de serre et en phase de construction, 4,4 millions de tonnes de CO2, et les économies d'émissions polluantes qui seront réalisées en phase d'exploitation. De quoi combler le retard pris par la France par rapport à sa trajectoire carbone, chiffrée à 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 par la justice dans le procès dit de l'affaire du siècle. Mais on veut aller encore plus loin. Elle s'est fixée un nouvel objectif, réduire d'un quart supplémentaire ses émissions de GES, gaz à effet de serre, soit une économie de 1,1 million de tonnes équivalent CO2 par rapport à 2018. On est une des industries très polluantes, car le béton est très émetteur en carbone. On aurait pu se contenter d'attendre la phase d'exploitation du métro pour réduire notre empreinte carbone. Mais on a décidé de le faire pendant la phase chantier, explique à Libération Jean-François Monteil. Comment ? Depuis 2020, la SGP a introduit dans les marchés de génie civil une clause imposant l'utilisation de 100% de béton dit bas carbone, contenant deux fois moins d'acier et 40% moins émissif en CO2 qu'un béton traditionnel. Aujourd'hui, 70% des bétons utilisés sur les chantiers en cours sont bas carbone. Une expérimentation est en cours avec Vinci pour produire des voussoirs, des pièces arrondies formant l'anneau du tunnel, dit ultra bas carbone, c'est-à-dire encore moins émissif en CO2 sur la future ligne 18. Pas question pour autant de rogner sur la sécurité. Alors que l'effondrement de la voûte en béton du terminal 2E de Roissy en 2004, seulement 11 mois après sa mise en service, continue à hanter le monde du BTP. Dans le vacarme des engins du terrassement à 30 mètres sous terre, Pascal Hamet, le directeur de la ligne 16 chez Eiffage, l'assure. Les voussoirs sont en béton fibré, résisteront mieux aux fissures et à la corrosion que s'ils sont innervés d'acier. Quid des économies du gaz à effet de serre attendues en phase d'exploitation? La SGP a sorti sa calculette. Un tiers des 14,2 millions de tonnes épargnées à la couche d'ozone proviendra du report modal, c'est-à-dire d'une moindre utilisation de la voiture et deux tiers de la construction de projets immobiliers conformes aux dernières normes environnementales en matière de bilan carbone et de biodiversité. Dixit, le dossier de presse, bien sûr. C'est du greenwashing, cet angle Arm Schmidt, expert auprès de France Nature Environnement, sur les transports et l'urbanisme. Les effets bénéfiques du GPE sont basés sur des hypothèses totalement fantaisistes, à savoir qu'on va massivement urbaniser autour des gares. Pour cet ingénieur à la retraite, le Grand Paris Express va au contraire aggraver l'étalement urbain. Car c'est bien connu, les gens vont profiter de la vitesse gagnée pour augmenter la durée de leur déplacement et donc vont choisir d'habiter plus loin en périphérie. Même scepticisme du côté du géographe Gérard-François Dumont. Ce professeur à la Sorbonne a publié fin août, dans la revue Population et Avenir, un article en forme d'enterrement du projet souterrain. Pour lui, le GPE fait fausse route en termes d'aménagement du territoire. Sans parler de son coût environnemental phénoménal, puisqu'il suppose de détruire des terrains agricoles et excaver des millions de tonnes de gravats. C'est un projet dépassé, car fondé sur des hypothèses erronées. Ainsi, alors que l'Île-de-France connaissait déjà, avant la pandémie, un solde négatif de 50 000 habitants par an, ce projet conçu en 2010 prévoit la construction de 1,4 million de logements autour des gares. Ces prévisions de trafic, 2 millions de voyageurs quotidiens, sont également irréalistes compte tenu du développement du télétravail et de l'inutilité de ce réseau construit pour l'essentiel en race campagne. Et le géographe de prédire des bureaux vides et des trains fantômes croisant des RER bondés. Voilà donc les versions par rapport à ce projet du Grand Paris qui devrait faire que la France atteigne globalement la neutralité carbone. Ce n'est pas ce que disent les promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, ils parient plutôt sur une croissance de la demande de logements en Île-de-France, riposte Jean-François Monteil. Au passage, l'ancien secrétaire général du ministère de l'écologie sous Nicolas Sarkozy rappelle les 741 000 demandes de logements sociaux en attente dans la première région française. Pour cet énarque, camarade de promotion du Premier ministre Jean Castex, il est normal de remettre en cause les hypothèses de départ d'un projet qui s'étale sur 20 ans. Encore faut-il que ce doute légitime ne soit pas le cache-sexe de ceux qui ne veulent rien faire. En dépit des critiques, les tunneliers continuent à creuser et les grues de monter des immeubles. Selon l'atelier parisien d'urbanisme qui a passé au crible les 68 futurs quartiers de gare, 12 millions de mètres carrés ont déjà été construits sur les 32 millions de mètres carrés programmés, soit l'équivalent de la surface de Paris. À quoi ressemblera le Grand Paris quand son métro sera achevé? À une constellation de quartiers, certes, haute qualité environnementale, mais désert, et à une métropole heureuse et réconciliée, aux circulations aisées, Lequel des deux? Alors que la pandémie a rajouté de l'incertitude à un monde déjà soumis à l'aléa climatique, tout grand projet urbain relève désormais de la gageure. Et si Grand Paris Express était gagnant? Voilà donc beaucoup d'interrogations par rapport à ce projet Grand Paris, bien sûr, qui s'inscrit aussi dans les Jeux Olympiques de 2024. Voilà, alors que dire par rapport à ça, hein, je crois surtout que nos dirigeants, nos technocrates ont prévu de centraliser au maximum les moyens de production et d'échange, les services publics, etc., de centraliser les populations pour faire des économies d'échelle. Mais n'est-ce pas quand même des projets fous? Parce que pour une bonne raison, plus on centralise, plus on irrigue les grandes métropoles, et plus ces grandes métropoles sont énergivores forcément, puisque de toute façon, il faut bien que les habitants se chauffent, voyagent, etc. Je crois quand même qu'il vaudrait mieux aussi concevoir une décentralisation véritable, avec des moyens de transport moins polluants qu'aujourd'hui, hein, quand on sait par exemple que des départements français comme l'Ardèche n'a plus du tout de ligne de chemin de fer, depuis longtemps d'ailleurs, hein, où d'autres départements vont bientôt connaître le même sort, qu'on voit dans les Vosges des moyens de transport ferroviaires qui ont été diminués, on peut se poser quand même la question, faut-il toujours centraliser plus? Et puis, est-ce la solution pour arriver à une neutralité carbone? Personnellement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et puis, bien sûr, on peut envisager une neutralité carbone à long terme, hein, par les moyens de transport comme celui du Grand Paris Express. Mais encore faut-il voir un petit peu la consommation d'énergie et puis le but final d'un tel projet. Voilà, je voudrais terminer quand même par quelques considérations sur l'environnement aujourd'hui, hein, à savoir comment arriver à la neutralité carbone, et puis dire aussi que, bien sûr, dans la tête de nos dirigeants, c'est aussi la relance du nucléaire. Alors la relance du nucléaire, ça signifierait quoi? Puisque Macron en a parlé, ça signifierait que à terme on arrive à ouvrir de nouvelles centrales nucléaires dans le pays. Est-ce que c'est véritablement une solution? D'abord, bien sûr, l'énergie nucléaire emploie de l'énergie fossile, hein, ne serait-ce que l'uranium, dont il faut assurer l'approvisionnement, y compris par des milices armées dans certains pays d'Afrique à l'heure actuelle. Est-ce la solution? Certainement pas, parce que là encore, on génère des déchets qui sont dangereux, bien plus que le carbone, hein, et qui sont actifs pour des milliers d'années. Je crois qu'une fuite en avant qui consisterait à dire une énergie décarbonée, c'est le nucléaire, c'est vraiment certainement suicidaire, encore plus suicidaire pour l'humanité. Je crois qu'il faut tabler sur les économies d'énergie, bien entendu. Et là encore, il y a beaucoup de choses à faire et à dire, hein, y compris par rapport au logement, bien sûr, l'isolation des logements en particulier, mais aussi une certaine décentralisation, plutôt que de faire que les transports de plus en plus sont dirigés vers des grandes métropoles. Et puis bien sûr, comme je le disais en début de cette émission, pourquoi par exemple, si on dit exemple, on fasse circuler des pièces dans des camions, des pièces pour l'automobile à travers toute l'Europe, hein, camion ou camionnette à travers toute l'Europe pour alimenter des usines décentralisées, alors que finalement, bien sûr, les productions pourraient se faire en France. Si on cherche toujours plus le libre coût de production, on en arrive là, c'est-à-dire à faire fabriquer ailleurs et puis à rapatrier des pièces pour assembler, par exemple, des automobiles, pour assembler des... ou bien pour faire circuler des produits.

en particulier des urgences à Remiremont, deviennent quand même un enjeu central, hein, et qu'il faudra aussi parler de, qu'il nous faut aussi parler régulièrement de ce problème, dont la population doit s'emparer pour améliorer les choses actuelles ou du moins éviter leur dégradation. Voilà, bonne fin de soirée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.